dans ce vase de démons. Sans espace, hors espace de démons. Vie à travers tous mes fantasmes, sans tasse, passe mes démons. Pris de folie obscure dans les mauvais espaces. Et des cons coincés entre asphalte et des cons bédos sous une dalle de béton, parle de décor. Regarde et garde les cartes, garde mon corps. Que Dieu nous garde, nous regarde pendant qu'on garde les morts. À la mort, à la vie, oh les remords, à la bride, à la chair du rare élément. Comme un dox rock, à la weed. Comment faire taire, débile, s'improvisant, comment déterre, père spirituel de stupide et de moditaire, stérile. Quand je vis le stress, des vies, des filles, le temps qui presse, où est-ce l'ivresse, c'est des tests, nightmare, c'est la crise d'hystérie. Car c'était 10, t'écris gare à ce que de disques, des disques, de disques, de vis, que de risques, c'est la remix de 10, reading. Demande à Cocteau, wesh docteur, comment rester indépendant et autonome comme un autochtone. Il est 7h, yeah, 06 en 10h, ah.